Non, monsieur Maintenant. Matawina, monsieur Matawina, quand vous aviez 2, 3 ans avec la Morvonnée dans les rues de Dijon ou de Saint-Étienne, moi, monsieur, je défendais le bougnoul dans les rues de Paris avec SOS Racisme. Alors, un peu de respect, s'il vous plaît. Non, mais moi, appelez-moi monsieur Pascal Promax, ok? Donc, écoute-moi bien. Tu vois, ici, t'es chez moi, on est sur CNews. Donc maintenant, c'est bien parce que je t'aime bien depuis tout Oui, à l'heure. mais ne parlez pas mal de mon ami Nabil Djellit, qui est un beau gosse. Je peux vous dire que dans les soirées, il le fait fureur. Et ne parlez pas mal de mon Avec ami. sa dégaine, ses yeux de C'est un merlinerie, beau il n'en gosse. met pas C'est l'eau, un hein. beau gosse. C'est Il un beau n'en voit pas gosse. l'eau, hein. D'ailleurs, ma copine amézienne, c'est une beau gossa. Et je finirai le recteur de la mosquée, que je trouve, il ressemble à Sean Connery. Alors, je vais vous dire, je fais un appel à nos amis marocains, même s'ils ne sont pas invités. Il y a une soirée, juste après la salade Jumeirah. Nous allons organiser une petite fête couscous merguez. Il y aura de la bière et du vin. Et tout cela dans la salle de prière et avec l'ambassadeur, notre ami l'ambassadeur algérien. Et nos amis marocains, ils peuvent regarder de loin, sur la rue, par la fenêtre. Je sais qu'ils croient que c'est leur mosquée, mais c'est une mosquée algérienne. Voilà. Et française et république. Mais excusez-moi, monsieur Zeribi, la mosquée en question, elle a bien été construite par des Marocains. Elle a été construite par la République, monsieur, la République de France. Mais avec l'argent de qui? L'argent de qui, ma foi? De quel argent on parle? De quel fonds? Ce n'est pas marocain, ce sont des artisans algériens, descendants de Mais Massinissa. il paraît que le roi marocain avait donné des fonds, qu'aujourd'hui on a transformé tout ça Non, en... non, non, monsieur, le Maroc était féodal. Il ne peut rien faire. Il est féodal. D'accord, donc c'est l'Algérie qui a créé la France. C'est une mosquée.